La perfidie. La perfidie, en arabe, zendaqa, consiste en la même chose que l'hypocrisie, al-nifaq, à ceci près que le perfide, en arabe, zindiq, expose sa mécréance et y incite les autres dès qu'il en a l'occasion et est connu pour ça. Mais dès qu'on l'attrape et qu'on lui expose les preuves, il nie et conteste ce qu'il a montré comme mécréance. Celui qui détruit la religion d'Allah consciemment mais masque cela en faisant mine de vouloir au contraire la défendre et la protéger, c'est le zindiq. C'est pourquoi certains juristes considèrent qu'on n'accorde pas aux perfides de se rétracter et de se repentir dans ce bas monde. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit « Un élément prouvant qu'il est permis d'exécuter le perfide hypocrite sans lui accorder de rétraction est le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques. » Sur l'histoire de Hatib ibn Balta. Lorsque Omar ibn al-Khattab dit au prophète « Laisse-moi, ô prophète d'Allah, trancher la tête de cet hypocrite. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il était là à Badr. Ne sais-tu pas qu'Allah s'est penché vers ceux de Badr et leur a dit « Faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. » Cela indique qu'il est légal de trancher la nuque de l'hypocrite sans lui accorder de rétraction. Car le prophète n'a pas condamné Omar d'avoir permis de trancher la tête de l'hypocrite. Mais il lui a expliqué que cette personne-là n'était pas un hypocrite, mais qu'il est de ceux qui assistèrent à Badr et qu'il est pardonné. Et lorsqu'une personne expose de l'hypocrisie sans qu'il n'y ait de doute qu'il s'agisse de bel et bien d'hypocrisie, alors son sang est licite. Les points à retenir. La différence entre le perfide et l'hypocrite qui est que le zindiq s'adonne à détruire l'islam, contrairement à l'hypocrite qui lui ne s'y adonne pas forcément, mais qui se limite seulement à cacher sa mécréance pour pouvoir vivre tranquillement parmi les musulmans. La permission à l'autorité musulmane d'exécuter le perfide sans lui accorder de rétractation.